trafique. Un curé en soutane gare sa Ferrari. Les judéo-chrétiens envahissent la ville. Et les penseurs s'occupent de la pensée des cons. Le prolo se retire du ventre fécondé. Pour un dernier soupir, une traite impayée. À l'église, les morues se tassent sur leurs chaises. Un abbé d'opérette assume le fantasme. On a peur de la ville, du béton et des flics. On a peur de l'amour, la fleur cancérisée. On a peur de la nuit sans tendresse et sans fric. On a peur de notre ombre au cœur de la cité. Le militaire zélé raccroche son sifflet et se roule un pétard au milieu de la chaussée. Le curé Ferrari écrase un chien errant. Par la même occasion, il bute un protestant. Les judéo-chrétiens se font une reniflette. Le ventre a fécondé, la traite sera payée. À l'église, les morues ont levé leur gros cul. Au fond des bénitiers s'agitent les grenouilles. On a peur de la ville, du béton et des flics. On a peur de l'amour, la fleur cancérisée. On a peur de la nuit sans tendresse et sans fric. On a peur de notre ombre au cœur de la cité. Le militaire scellé à deux pas du délire s'éclate une durite et tente de s'enfuir. Le curé Ferrari abat le militaire. D'un coup de baïonnette il traverse sa chair. Les judéo-chrétiens applaudissent en cadence. Le curé les renifle avec indifférence. Bobon a accouché d'un animal mort-né. Les morues se réjouissent juste avant le dîner. On a peur de la ville, du béton et des flics. On a peur de l'amour, la peur cancérisée. On a peur de la nuit sans tendresse et sans fric. On a peur de notre ombre au cœur de la cité. Le militaire est mort au champ du déshonneur. Le curé Ferrari lui donne l'absolution. Les judéo-chrétiens se perdent dans l'horreur. Ils massacrent au passage un enfant du Gabon. Le prolo se console en allant voir les putes. Chez la madame André, paraît qu'il y en a de nouvelles. Les morues s'agglutinent au pied du grand calvaire. Terminent religieusement un plaisir solitaire. On a peur de la ville, du béton et des flics. On a peur de l'amour, la fleur cancérisée. On a peur de la nuit sans tendresse et sans fric. On a peur de notre ombre au cœur de la cité. On a peur de la ville, du béton et des flics. On a peur de l'amour, la peur cancérisée. On a peur de la nuit sans tendresse et sans fric. On a peur de notre ombre au cœur de la cité. On a peur de la ville, du béton et des flics. On a peur de l'amour, la peur cancérisée. On a peur de la nuit sans tendresse et sans fric. On a peur de notre ombre au cœur de la cité.